forme qu'ils prendront. Peu importe, ils nous délivreront de la haine, de la peur. Je le sais, je le sais.